Radiomatique. closer, close enough, close, closer, close enough, close, closer, close enough, close, closer, close enough, close, closer, close enough, close, closer, close enough, close, closer, close enough, close, closer, close enough. Pour amorcer la transmission 471 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du duo norvégien Lost Girls. De leur premier album intitulé Menneske Kollektivet et paru en 2021, nous vous avons fait jouer la pièce-titre. C'est maintenant sur une reprise que nous offre le percussionniste argentin Ernesto Zeppa de la pièce Cure, originalement composée par le pianiste Kate Jarrett, que se poursuit Audiomatique. Bye.

Audiomatic, nous venons d'écouter le Portico Quartet et sa pièce Subo's Mental Meltdown qui clôt le troisième album Isla, paru en 2009. Avant cela, nous entendions une pièce du trio menée par le percussionniste d'origine panaméenne Daniel Villarreal, trio qui comprend Jeff Parker à la guitare et Anna Butters à la basse. De l'album La Dose B, nous écoutions la composition Bring It. Et on amorçait la séquence sur la reprise de la pièce Cure de Keith Jarrett par le batteur Ernesto Zeppa. Celle-ci se retrouve sur l'album de Ernesto Zeppa intitulé Nomade. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique du projet Alien Factor. don't talk, out of time, don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. Don't grab, don't clutch, don't hope for too much, don't breathe, don't achieve or grieve without learning. Don't check, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try and make sense. Talk, don't run if you can walk. Don't cheat, come beat. Don't miss the one beat. Don't travel by train. Don't peek, don't spill. Don't piss on the train. Don't let the world. Audiomatique, nous venons d'écouter bien évidemment le groupe U2 et sa pièce Numb tirée de l'album Zuropa publié en 1993. Et avant U2, nous entendions le projet Alien Factor et sa pièce Obey apparaissant sur le deuxième album Desolate paru en 1995. En conclusion de cette transmission 471 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de l'artiste écossais Kenny Anderson, qui est mieux connu sous son pseudonyme King Creosote, de son plus récent album Ides, qui est sorti le 3 novembre 2023. Nous entendrons la pièce Please Come Back, I Will Listen, I Will Behave, I Will Toe the Line. La prochaine transmission d'Audiomatique, code 472, sera diffusé en direct mercredi prochain dès 17h et par la suite disponible pour l'écoute en différé sur certaines plateformes numériques. Et l'entrée se fait à partir de notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc King Creosote et la chanson Please Come Back, I Will Listen, I Will Behave, I Will Toe the Line. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Your ears, switch off your teeth.